Dans la grande série, les fanfons populaires, les fanfons populaires. C'est l'histoire d'un éléphant amoureux. Jusque-là, rien d'anormal. Si ce n'est que l'objet de ses voeux. Pour une bête de son espèce n'est guère banale. C'est donc un zélé éléphant de sa condition, amoureux d'une biche, à la robe sans tache, aux yeux de réputation, le bonhomme sans tiche a le corps en friche. Dans un jeu de qui le jeu éternel des garçons avec les filles se dit l'éléphant sans haine dans magasin de porcelaine. Alors pour la séduire emmène la belle au bal. Au concert mais ses chaussons doux se donne un mal d'animal. Entre entre chats, que de pie et pas de loup. Rien n'y sert, c'est le cerf qui sert la biche. Et pourtant il y tient ferme. Du dessert il s'en fiche. Il l'a dans sa peau de pachyderme. Dans un jeu de qui le jeu éternel des garçons avec les filles se dit l'éléphant sans gêne dans un magasin de porcelaine. Mais pense-t-il tout au bout du compte, si je ne me trompe, les biches, ça aime l'éléphant. Et sitôt dit, sitôt fait l'éléphant de faire l'éléphant. La morale de mon Fabio pour tous les cabillos et tous les bambinos. L'éléphant, l'éléphant se dit qu'avec la biche et son défense. Deep time. La morale de mon Fabio pour tous les cabillos et tous les bambinos. Cabillos et tous les bambinos.